الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فلا زال حديثنا متواصلا مع أولئكم الصحب الكرام مع صديق هذه الأمة وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه والتوكيد على دراسة حياة الصحابة رضوان الله عليهم ومواقفهم هذا لا بد منه ونحن الآن ترون وتسمعون من يطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه فرق الضلال من الشيعة والخوارج وغيرهم يقعون في أعراض صحابة رسول الله رضوان الله عليهم ويسبونهم ويشتمونهم ويكفرونهم ويتقربون بذلك إلى الله سبحانه وتعالى قاتلهم الله أن يؤفكون كبرت كلمة تخرج من أفواه من يقولون إلا كذبا فالدفاع عن الصحابة رضوان الله عليهم هذا واجب كل مسلم وبيان أن من سب الصحابة فهو مريض القلب خبيث وزنديق هذا من واجب كل مسلم أن يفعله Donc frère الله عز وجل nous continuons notre cours autour de ces nobles compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam et là on est avec le véridique des véridiques de la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam parce que vous entendez vous voyez certains critiquer, dénigrer, insulter même des fois ils les rendent mécréants les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam que ce soit Shia ou que ce soit ce que disent les Khawarij sur les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam etc. Et avec ces dénigrements et ces insultes il se rapproche d'Allah Azza wa Jal, soit disant, il prétend se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les combat pour ce grand mensonge qu'ils imitent. C'est une énorme parole qui sort de leur bouche. Hein? Ce n'est que des mensonges. Et le fait de défendre les compagnons de Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, ceci c'est le devoir de tout un chacun et de tout musulman. Et le fait d'éclairer les gens sur ceux qui insultent les compagnons de Mohammed alayhi sallam, que ce sont des gens malades du cœur et que ce sont des anadiqa, ceci est un devoir de tout un chacun parmi nous. قد جاءت الأدلة في كتاب ربنا وسنة نبينا وقول السلف الصالح تحرم سب صحابة رسول الله رضوان الله عليهم. Les preuves dans le livre d'Allah et dans l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam sont nombreux et les paroles de Nabiyul Ridwan Allah alayhim sont nombreux à nous interdire. À interdire le fait de les insulter et le fait de les dénigrer et le fait de parler en mal d'eux. Hein? Mais ce qui est demandé, c'est de parler du bien d'eux. Car il est dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَالَّذِينَ يَسُبُّونَ الصَّحَابَةَ لَيْسُوا مِمَّنْ ممن عملوا بهذه الآية وربنا يقول يأمرنا بأن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وأول من سبقنا بالإيمان وأول من يدخل في هذه الآية صحابة رسول الله رضوان الله عليهم فالذي يسبهم لم يعمل بهذه الآية وبمقتضى هذه الآية donc il dit dans le Coran et ceux qui sont venus après eux ils disent « Seigneur, pardonne-nous à nos frères qui nous ont devancés dans la foi. Hein, » et fait qu'il n'y ait aucune haine dans nos cœurs pour eux, pour ceux qui ont cru. Hein? Et ceux qui ont cru, ceux qui rentrent en priorité dans ce verset, ce sont les compagnons de Mohammed alayhi salatu wa sallam. Donc ceux qui les insultent ne mettent pas ce verset en application. Ils sont en contradiction avec ce verset. Et ceux qui insultent les compagnons de Mohammed alayhi salatu wa sallam ne les suivent pas à la perfection. Comme il est demandé dans l'autre verset. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Et ceux qui les insultent ne mettent pas non plus ce verset, ne les suivent pas, les premiers parmi les immigrants de la Mecque et les alliés de Médine qui les ont accueillis, et ceux qui les suivent à la perfection. Donc ceux qui les insultent ne les suivent pas. والذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آذى رسول الله فقد آذى الله ومن آذى الله فهو ملعون أي مطرود من رحمة الله عز وجل. Et ceux qui insultent les compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام, ils font du mal au prophète عليه الصلاة والسلام. Et ceux qui font du mal au prophète عليه الصلاة والسلام font du mal à Allah عز وجل. Et ils reçoivent la malédiction d'Allah عز وجل, c'est-à-dire Allah سبحانه وتعالى ne les couvre pas de sa sainte miséricorde. والرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا قال لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. والحديث رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم زانتيم ستورن نسلتي با مي كومبانيون car par celui qui tient mon âme entre ses mains, si quelqu'un parmi vous dépensait l'équivalent de la montagne, de la chaîne, de montagne, de Hud, en or, il n'arriverait pas à ce que faisait avec un moud, avec ce que ramasse la poignée, les deux mains d'un homme réuni. Ils n'arriveraient pas à ce qu'ils dépensent la chaîne de montagne de Hud en or. Ils n'arriveraient pas à ça, aux actes et à la valeur des compagnons de Mohammed alayhi salatu wa sallam. Ur-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, يقول من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فليبشر من يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من رافضة وخوارج وكل من يتشدق بسب صحابة رسول الله فليبشر بهذا الوعيد من الله عز وجل وبالطرد من رحمة الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم dans un autre hadith il dit celui qui insulte mes compagnons il a la malédiction d'Allah et des anges et de tous les gens. Que celui qui est dans cette situation-là, il s'attend à être maudit de tout le monde, à être maudit d'Allah Azza wa Jal, être maudit des gens, être maudit des anges. Tous ceux qui ouvrent leur bouche à dénigrer, à insulter les compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam, ils reçoivent cet avertissement et ce châtiment min Allah Azza wa Jal, qui est le fait de les éloigner de la clémence d'Allah Azza wa Jal. وكذلك لا نغتر إخوة الإسلام. يقول البعض الرافضة لا يسبون صحابة رسول الله وبين الفينة والآخر يخرج عليك رافضي سياسي من رجال سياستهم ويقول قبل أن يبدأ خطابه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه المنتجبين. فالعام أنت ما عندك خلفيات فتظن أنه يحب صحابة رسول الله وصلي عليهم ولكن هذه الكلمة وراءها ما وراءها هذه الكلمة خدعة وضلالة من ضلالات الروافض حتى يظن العام والمبتدئ أنهم يتردون عن صحابة رسول الله وهذا ليس بصحيح لأن الكليني نقل عن أحد كبارهم في الضلال أن الناس جميعا ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أو أربعة المقداد وأبو سلمان وأبو ذر وفي رواية أربعة. وإلا ثلاثة وأربعة وآل البيت وهم المنتجبين فقط هؤلاء الذين يدخلون في المنتجبين آل البيت كل من سلالة محمد عليه الصلاة والسلام وعلي وفاطمة والثلاثة الذين لم يكفرهم الرافضة فهذا الأمر خطير يجب أن نتنبه له المنتجبين عندهم هم هؤلاء فقط ليس الصحابة كلهم فتنطلي الخدعة على العام وعلى المبتدئ وعلى الذي لا يفهم ما وراء الكلام. Donc, des fois, tu entends. Certains te disent, mais ils n'insultent pas les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. Ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que, d'un moment, des fois, vois, sur certaines chaînes, tu entends certains hommes politiques rafidis. Il vient, il dit, alhamdulillah, le louange à Allah, il a prié sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses compagnons élus. Et sur les élus de ses compagnons. Mais derrière ce mot Muntajab, l'élu, il le choisit, il y a ce qu'il y a. Le commun des musulmans et le débitant, lui, il dit, ils n'insultent pas, il fait l'agrément, il leur fait deux à tous. Mais cette parole, c'est une trahison, c'est un déguisement, c'est encore une ambiguïté de leur part. Et c'est un égarement du Rawafid, avec lequel ils vont s'accaparer de l'esprit d'Al-Awam et des nouveaux. Et des novices dans la religion. Et l'ami et le novice dans la religion, il dit, Rafida, vous montez. Ils font du dua pour les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. Il a été rapporté par Al-Kullini qu'il a rapporté de l'un de leurs grands imams de l'égarement que les gens ont tous apostasé sauf 3 ou 4. Dans une version 3, dans une version 4. Parmi les 3, Ammar ibn Yasir, Ada Salman al-Farisi et Abu Dhar. Hein? Sauf, et bien sûr, la famille du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire toute la descendance de Ali n'a pas apostasé. Et les 3 compagnons qu'on a cités, et dans une version 4. Donc, c'est cela les élus pour eux, tout simplement. Moi, quand il dit, il fait la prière sur les compagnons et le dua pour les compagnons, où il veut le Muntajabin, les élus, il les choisit. C'est cela, les 3 compagnons qu'ils n'ont pas rendus mécréants et les descendants de Ali. Point final. Donc, il ne faut pas se faire avoir des fois quand tu l'entends, radiyallahu anhu, la akhal islam. Dis-lui de citer Abu Bakr et de dire radiyallahu anhu. Il ne le dira pas. Ou là de citer Omar avec son nom, Muawiyah, etc. Il ne le fera pas. Mais là, dans le global, pour te faire tomber, pour faire tomber le commun, dans leurs ambiguïtés, ils y vont. Fa, fi l'usbu' al-madi, waqafna, عند الآيات التي تثبت خلافة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه والآن مع الأحاديث التي أشارت إلى خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى La semaine dernière, nous sommes arrêtés, nous avons terminé avec les versets qui font allusion à la khilafa d'Abu Bakr الصديق رضي الله تعالى Aujourd'hui, nous entamons, nous commençons avec les hadiths du prophète عليه الصلاة والسلام authentiques qui font allusion à la khilafa d'Abu Bakr الصديق رضي الله تعالى فالأحاديث النبوية التي تنبه على خلافة أبي بكر كثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه كثيرة جدا ومشهورة ومتواترة وظاهرة الدلالة إما على وجه التصريح أو الإشارة والاشتهارها وتواترها صارت معلومة من الدين بالضرورة بحيث لا يسع أهل البدعة إنكارها إلى حديث du prophète عليه الصلاة والسلام الحديث authentique du prophète عليه الصلاة والسلام qui font allusion clairement et qui montrent clairement que Abu Bakr Siddiq, c'est lui le khalif après le prophète alayhi salatu wassalam, sont nombreux, ils sont réputés. Ils sont du domaine d'Omshour, du domaine des hadiths qui sont réputés. Et ils sont nombreux et rapportés par plusieurs voies, plusieurs chaînes de transmission. Soit ils sont clairs, donc comme quoi il est le khalif, soit ils font allusion à ceci, il est compris dans le hadith, comme quoi c'est lui le khalif. Et parce qu'ils sont réputés, c'est les hommes de science, leur signification est claire dans cette religion et dans la voie de nos puiseurs, d'Allah alayhim. Car ça ne laisse pas à l'innovateur la place de les rejeter. Il ne peut pas les rejeter. Il ne peut pas les remettre de côté. فالحديث الأول عن جبير بن مطعم قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك كأنها تقول الموت قال صلى الله عليه وسلم إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه والحديث عند الإمام البخاري والإمام مسلم وهذا ما نتنون جبير بن مطعم il te dit une femme est venue voir le prophète عليه الصلاة والسلام et il lui a dit reviens me voir après et la femme lui a dit si je te trouve pas ya Rasulallah comme s'il dit si tu es mort ya Rasulallah Qu'est-ce que je fais? Il lui a dit, si tu ne me trouves pas, tu viens voir Abu Bakr. Hadith il est chez l'imam Bukhari ou l'imam Muslim. Il n'a pas dit quelqu'un d'autre. Il lui a dit, tu viens voir Abu Bakr. Qu'est-ce qu'il va faire le Rafidi devant ça? Ou le Chi'i, ou le Khabit qui insulte Abu Bakr Siddiq. فاشتمل الحديث على إشارة واضحة أن الذي يخلفه على الأمة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال ابن حزم في الملل في كتابه الفصل في الملل والأحوال والأهواء والنحل, وهذا نص جلي على استخلاف أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. Ce hadith, il y a dedans l'illusion claire comme quoi Abu Bakr Siddiq, c'est lui qui va remplacer la communauté, qui va être le khalifa pour le prophète dans cette communauté. Ibn Hazm, dans son livre qu'il a consacré en 4 ou 5 tomes sur les groupes et sur les groupes de l'innovation, etc., il dit, et ça c'est un texte clair, comme quoi Abu Bakr Siddiq, c'est lui le khalif. وعن أبي مليكة قال سمعت عائشة سئلت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلفه, قالت أبو بكر, فقيل لها ثم من بعد أبي بكر, قالت عمر, ثم قيلها من بعد عمر, قالت أبو عبيد بن الجراح, ثم انتهت إلى هذا. والحديث رواه الإمام مسلم. أبو مليكة de nous dire dans le hadith qui est rapporté par l'imam muslim, j'ai entendu Aïcha radiallahu ta'ala anha wa ardaha, quand on lui a posé la question, qui le prophète aurait choisi comme son remplaçant, s'il avait choisi. Il a dit Abu Bakr Siddiq radiallahu anha wa ardaha. Il dit, et après Abu Bakr Siddiq, qui? Il a dit Omar ibn al-Khattab radiallahu anha wa ardaha. Et après Omar, il lui a dit, qui? Il a dit Abu Ubaid al-Jarrah. Et il s'est arrêté là, Aïcha radiallahu ta'ala. Il a dit Abu Bakr, Omar et Abu Ubaid al-Jarrah en troisième position. النووي رحمه الله يقول هذا دليل لأهل السنة في تقديم أبي بكر ثم عمر للخلافة مع إجماع الصحابة, وفيه دلالة لأهل السنة أن خلافة أبي بكر ليست بنص من النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته صريحا, بل أجمع الصحابة على عقد الخلافة له وتقديمه لفضيلته, ولو كان هناك نص عليه أو على غيره لم تقع المنازعة من الأنصار وغيرهم أولا, ولا ذكر حافظ النص ما معه ولا رجعوا إليه, لكن تنازعوا أولا ولم يكن هناك نص, ثم اتفقوا على أبي بكر واستقر الأمر. وأما ما تدعيه الشيعة من النص على علي والوصية إليه فباطل لا أصل له باتفاق المسلمين, والاتفاق على بطلان دعواهم من زمن علي, وأول من كذبهم علي رضي الله عنه بقوله ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة, ولو كان عنده نص لذكره رضي الله عنه وارضاه, ولم ينقل أنه ذكره في يوم من الأيام ولا أن أحدا ذكره له. من الإمام النووي رحمة الله عليه الجي en ce qui concerne ce hadith de Aïcha رضي الله تعالى عنها, il dit ça c'est une preuve des gens de la sunna et ceux qui sont unanimes sur la sunna pour mettre en avant Abu Bakr Siddiq رضي الله تعالى عنه et après Omar ibn al-Khattab avec le consensus des compagnons, et ceci c'est une preuve pour les gens de la sunna que la khilafa d'Abu Bakr ne vient pas d'un texte du prophète alayhi salam clair, hein? Mais l'unanimité des compagnons de Mohammed alayhi salam sont à ce que la khilafa et à le mettre en avant parce qu'il a des vertus et parce que il était le premier dans l'islam, parce qu'il était le compagnon de Mohammed alayhi salam, etc. Mais s'il y avait un texte, dit l'imam Nawawi rahmatullah alayhi, il n'y aurait pas de litige. Parce qu'au moment de la mort du prophète, il y a eu un litige entre l'Ansar et les autres. Hein? Et s'il y avait un texte, ben celui qui avait mémorisé le texte, il dit non, mais le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci. Ça aurait été clair. Et il serait revenu à ça, il n'y aurait pas eu de litige au départ. Ils ont eu le litige au départ, mais après ils étaient unanimes, ils se sont mis d'accord sur à mettre en avant Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Quand est-ce qu'on prétend Shia, hein, que il y a un texte et que le texte dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait le testament à Ali et que Ali a le testament, c'est nul, non avenant. Avec l'unanimité, les musulmans sont unanimes, c'est-à-dire les dînes de la communauté sont unanimes là-dessus, plus leur commun, hein. Et comme quoi ils sont unanimes sur l'unité de ce que prétendent Shia, c'est déjà à l'époque de Ali lui-même, il les a démentis. Lui-même, Ali radiallahu ta'ala, il a démenti ce que prétendent Shia. Non. Quand on lui a posé la question, est-ce qu'on t'a un testament? Il a dit non, j'ai juste cette feuille dans laquelle Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a fait des recommandations. Hein? Et s'il y avait un texte, Ali radiallahu ta'ala nous le récitait. Il ne nous a pas été rapporté jusqu'à nos jours ce texte. Il n'y a personne qui parle de ce texte. Et ce texte, il est tout simplement dans les illusions d'El Shia. Mais Shia, ils craignent rien. Le mensonge, c'est une de croyances. Taqiyya, c'est leur croyance. Ça fait partie, c'est un des piliers dans leur croyance. Donc il n'y a pas de problème. وقال حذيفة رضي الله عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا وقال حذيفة رضي الله تعالى عنه كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوسا فقال إني لا أدري ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا بالذين من بعدي وأشار إلى أبو بكر وعمر وتمسكوا بعهد عمار وما حدثكم ابن مسعود فصدقوه ها وهذا في صحة الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله تعالى. حذيفة de nous dire que الله سبحانه وتعالى l'agré. Nous étions chez le prophète alayhi salam, assis chez le prophète alayhi salam, et il a dit, je ne sais pas combien de temps, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, je ne sais pas combien de temps il me reste avec vous. Prenez exemple dans ceux qui vont me suivre. Ceux qui vont me suivre après. Il a d'abord montré à Abou Bakr Siddiq et après Omar. Hein? Il a montré à Abou Bakr et après Omar. Et cramponnez-vous au Ahd, au pacte d'Omar, et ce que vous annonce Ibn Mas'ud, prenez-le comme vérité. Et ce que vous annonce Ibn Mas'ud, prenez-le comme vérité. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي أي بالخلافة بالخليفتين الذين يقومان من بعدي وهما أبو بكر وعمر وحتى على الاقتداء بهما لحسن سيرتهما وصدق سريرتهما وفي الحديث إشارة لأمر الخلافة ها؟ وهذا في تحفة الأحوذي رحمة الله على شرح الترمذي للمبارك فوري رحمه الله تعالى. Donc dans cette parole du prophète عليه الصلاة والسلام, prenez exemple de ceux qui vont venir après moi, hein, et il a désigné Abu Bakr et après Omar, ça c'est une allusion directement à le khilafa tous les deux. Et ceux qui ont eu la khilafa après le prophète, qui lui a succédé tout de suite? Abu Bakr et Omar. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre de les prendre comme modèle, comme exemple, de les suivre. Pourquoi? Parce qu'ils ont un noble caractère, il y a un noble comportement, ils sont véridiques dans leur intérieur. Et dans le hadith, il y a l'allusion à leur khilafa, à tous les deux, radhiyallahu alayhim. قالت عائشة رضي الله عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عائشة رضي الله تعالى عنها dans ce qui est rapporté par l'imam مسلم رحمه الله تعالى dit الرسول صلى الله عليه وسلم lors de sa maladie lui a dit appelle-moi Abu Bakr et ton frère pour que j'écrive un livre, j'écrive quelque chose, un testament, hein. Car j'ai peur que quelqu'un, après moi, il dit, c'est moi qui ai le droit de prendre la khilafa. C'est moi, quelqu'un venir et prétendre que c'est à lui que ça revient. Et il a dit, il dira, c'est moi qui doit y être. Mais il dit, Allah refuse, et les croyants refusent aussi. Et aussi les croyants refusent, et puis les croyants refusent. Qu'Abu Bakr. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala refuse qui que ce soit après le prophète alayhi salam, et les croyants le refusent aussi, sauf Abu Bakr. Abu Bakr est accepté par Allah azza wa jal et par les croyants. Mais ensuite par les croyants. Hein? Le hadith de l'église. Wa ya'ba Allah wa al-mu'minuna illa Abu Bakr. Et Allah refuse autre personne qu'Abu Bakr. Et aussi les croyants refusent autre personne qu'Abu Bakr après le prophète alayhi salam. Donc la parole du prophète alayhi salam, c'est l'imam. Hein, c'est l'imam musulman, il est clair. هذا الحديث دل دلالة واضحة على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما سيقع في المستقبل بعد التحاقه بالرفيق الأعلى وأن المسلمون يأبون عقد الخلافة لغيره رضي الله عنه وارضاه وفي الحديث إشارة إلى حصول نزاع ووقع ذلك كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم اجتمعوا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. Et donc, ce hadith, les hommes de science disent, c'est une preuve claire des vertus d'Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, a annoncé ce qu'il va arriver dans le futur, après qu'il soit mort. Et que les musulmans vont refuser toute personne, sauf Abu Bakr Siddiq pour la khilafa. Et dans le hadith, il y a aussi, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion au problème qu'il va y avoir et au litige qu'il va y avoir au départ. Et ce litige est arrivé comme l'a annoncé le prophète alayhi wa sallam, et après tout le monde s'est réuni, a été unanime sur la khilafa d'Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu anhu. C'est arrivé comme a décrit le prophète alayhi wa sallam. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشة إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس فقال صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصلي بالناس فعادت فقال مر يا أبا بكر فليصلي بالناس فإن كن صواحب يوسف فأتاه الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا رواه الإمام البخاري والإمام مسلم. غادي مانتنو cette preuve claire et irréfutable Abu Musa al-Ash'ari dans ce qui est rapporté par l'imam البخاري والإمام مسلم de nous dire contre le prophète عليه الصلاة والسلام sa maladie s'est aggravée. Il a dit dites ordonnez à Abu Bakr Siddiq de faire l'imam pour les gens, d'être l'imam dans la prière pour les gens. Aïcha radiallahu ta'ala, il a dit, c'est Abu Bakr Siddiq, c'est quelqu'un qui a un cœur doux. Donc, et quand il est à ta place, il n'arrive pas à terminer la prière. C'est-à-dire, il pleure beaucoup dans le Coran. Lors des revenus, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a refait l'ordre. Il a dit, ordonnez à Abu Bakr Siddiq qu'il soit l'imam des gens. Il a encore redit la même chose. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ordonnez à Abu Bakr Siddiq qu'il prie, que ce soit lui l'imam pour les gens. Et il a réprimandé ses femmes. Parce qu'après, il y a eu l'intervention. Aïcha fait intervenir Hafsa, et ainsi de suite. Et après, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les a réprimandés. Et il a donc intimé l'ordre que Abu Bakr Siddiq soit l'imam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr Siddiq a été l'imam de cette communauté pendant la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Pendant la vie du prophète alayhi salatu wassalam. قال الحافظ ابن حجر الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه في البدايه والنهايه والمقصود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم ابا بكر اماما للصحابه كلهم في الصلاه التي هي اكبر اركان الاسلام العمليه. قال ابو الحسن الاشعري رحمه الله وتقديمه له أمر معلوم بالضرورة من الدين وتقديمه له دليل على أنه أعلم الصحابة وأقرأهم. Et الحافظ بن كثير dans l'interprétation de ce hadith dans son livre de l'histoire le début et la fin le bidaya et le nihaya a dit le but de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ce qui évolue c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith il dit que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a mis en avant comme imam Abu Bakr Siddiq. Il l'a mis au devant de tous les compagnons d'Allah alayhim, dans un des plus grands piliers de l'islam après l'attestation de foi, qui est la prière. Ceci montre l'importance de Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Abu al-Hassan al-Ash'ari il dit, et le fait qu'il l'ait mis devant, cela a une grande signification claire dans la religion. Cela prouve qu'il est le plus savant parmi les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. Il est le plus savant parmi les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. Celui qui a mémorisé le Coran, celui qui a la science, etc. etc. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رواه الإمام البخاري. Et aussi la parole du prophète عليه الصلاة والسلام, il dit celui, toutes les personnes qui ont fait un bien vis-à-vis de moi, je les ai récompensés. Mais je suis redevable à Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu warda. Je suis redevable avec Abu Bakr Siddiq dans sa compagnie, dans sa fortune. Je suis redevable beaucoup à Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Et si j'avais à prendre un ami intime, j'aurais pris Abu Bakr Siddiq comme ami intime. Mais c'est la fraternité de l'islam et l'amour en islam, et qu'il ne reste plus de porte dans la mosquée ouverte, sauf la porte de rentre Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala. Le prophète a ordonné de fermer toutes les portes, sauf la porte d'Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala. Fayaqulu ahlul ilm, fa'amruhu sallallahu alayhi wa sallam, bisaddi al-abwab jami'iha, illa baba Abi Bakr, fi isharatun qawiyya ila annahu awwal man yali amra al-ummati ba'da wafatihi sallallahu alayhi wa sallam. Les hommes de science disent que le fait que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a donné l'ordre de fermer toutes les portes de la mosquée et de laisser que la porte par laquelle rentre Abu Bakr Siddiq d'habitude, cela c'est une allusion comme quoi c'est lui le calife, c'est lui qui doit être le calife après le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'ils vont faire Rafida devant ces textes qui sont clairs pour celui qui est doué de raison et à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la jurisprudence saine et la compréhension saine de la religion. قال ابن مسعود رضي الله عنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير قال فأتاهم عمر رضي الله عنه فقال يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أبا بكر يا أم الناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر رضي الله عنه فقالت الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر. ابن مسعود يقول كنت الرسول صلى الله عليه وسلم مات. الأنصار les alliés de Médine, les habitants de Médine, الأنصار, ils ont dit de nous il y aura un émir. Et de vous, c'est-à-dire de Quraysh, les muhajirin, il y aura un émir. Omar ibn Khattab est venu les voir, il leur a dit ô Ansar, vous savez que le prophète عليه الصلاة والسلام a ordonné à Abu Bakr Siddiq d'être l'imam dans la prière. Qui parmi vous aimerait être devant Abu Bakr Siddiq comme imam dans la prière? Ils sont revenus à leur raison. Il a dit, na'oudou billah, nous revenons vers Allah Azza wa Jal. Hein? Ils sont revenus à leur raison. Et personne, tout le monde a dit, non, faut pas, il n'y a personne de nous qui va se mettre au devant d'Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala. Alors que le prophète l'a mis, hein, au devant, pour prier, pour être l'imam des gens. وقال علي رضي الله عنه وها هو علي فمن يتشبث الرافضة يسمع لقول علي رضي الله تعالى عنه والله لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبا بكر في الصلاة فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فقدمنا أبا بكر رضينا لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ديننا فقدمنا أبا بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه. Et voici Ali maintenant. À quoi ils vont s'accrocher, Rafida? Tu vois, ils s'accrochent à une toile d'araignée, comme quelqu'un qui veut s'abriter de la canicule, une toile d'araignée, où là, il pleut des cordes. Il se met sur la toile d'araignée. Qu'est-ce qu'il va faire? Écoute, Ali رضي الله تعالى عنه, lui-même, il leur met une bombe dans la figure. Hein? Hiroshima, direct dans la figure. Il dit, quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est mort, nous avons regardé notre situation. Nous avons trouvé que le prophète alayhi wa sallam a mis au devant pour la prière Abu Bakr Siddiq. Irhamukullah. Donc nous agrions pour les choses de notre bas monde, c'est-à-dire pour le khilafa, hein? Celui que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a agréé pour notre religion. Donc, nous mettons Abu Bakr en avant et nous avons mis Abu Bakr en avant. Hada Ali radiyallahu ta'ala. Ils disent wa il a le testament du prophète alayhi salam comme quoi c'est lui le calife. Regardez ce qu'il dit. Il atar, il est timhid chez Ibn Abd al-Bar, il est sunna lil khallal, il est riyad nadir al-Tabari, il est dans hein. وقد علق أبو الحسن الأشعري على تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الصلاة فقال وتقديمه له أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام قال وتقديمه له دليل على أنه أعلم الصحابة وأقرأهم لما ثبت في الخبر المتفق على صحته بين العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم إسلاما قال ابن كثير وهذا من كلام الأشعري رحمه الله مما ينبغي أن يكتب بماء الذهب ثم قد اجتمعت هذه الصفات كلها في الصديق رضي الله عنه وأرضاه وهذا أتى به أخرجه ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية دونك منتنو غوغادي أبو الحسن الأشعري رضي الله تعالى عنه الكومونت. Le fait que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a mis en avant comme imam pour la prière Abu Bakr Siddiq, il dit le fait qu'il l'ait mis en avant, ceci c'est une signification claire dans la religion de l'islam, hein, et que c'est une preuve claire comme quoi c'est le plus savant parmi les compagnons de Muhammad alayhi salam. Et celui qui a le Coran, hein, plus. Le plus parmi eux qui a mémorisé le Coran. Parce qu'il nous a été rapporté, dit Abu Musa, Abu al-Hasan al-Ash'ari, il dit, il nous a été rapporté authentiquement. Et le hadith, il est l'unanimité. Comme quoi il est valide chez les hommes de science, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne préside les prières que celui qui est le meilleur lecteur parmi eux. C'est-à-dire le meilleur lecteur, le savant parmi eux. Parce que le Qur'an, ces sahabas, ce sont des savants. C'est ce que ça voulait dire dans le terme, hein. Et ceux qui ont, et celui qui se met en avant, c'est celui qui a plus le Coran en entier, le plus parmi eux. Et donc, ici ils sont du même niveau au niveau de le Coran, ben celui qui est le plus savant dans la Sunna. Ici ils sont dans la Sunna à pied d'égalité, ben celui qui est le plus âgé. Et si au niveau de l'âge, ils sont identiques, à pied d'égalité, ils ont le même âge, ben celui qui est le plus vieux dans l'islam. Écoute maintenant, Ibn Kathir, il dit, et ces paroles d'Yal Ash'ari, rahmatullah alayh, il faut les écrire avec l'eau de l'or, avec l'encre d'or, Allah, l'eau de l'or. Et il dit, toutes ces qualités sont réunies dans Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Toutes les qualités citées dans le hadith sont réunies toutes dans Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhu. Kadalika, بعد السنة انعقد الإجماع على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه أجمع أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا على أن حق الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق لفضله وسابقته ولتقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياه في الصلوات على جميع الصحابة donc l'unanimité l'unanimité c'est que Abu Bakr Siddiq doit, chez les compagnons de Muhammad alayhi salatu wasalam, doit être le khalifa. Et les gens de la sunna, et ceux qui sont unanimes sur la sunna, les anciens et les nouveaux, ils sont qui vont venir, qui sont dignes de la voie de leur, qui suivent la voie de leur puzzle, qui vont venir après, sont tous unanimes. Voici celui qui mérite la khilafa, après le prophète alayhi salatu wasalam, c'est Abu Bakr Siddiq. Pourquoi? Parce qu'il a beaucoup de vertus. Parce qu'il est le premier dans l'islam, parmi les premiers qui sont rentrés dans l'islam. Parce que le prophète, alayhi salam, l'a désigné comme imam pour la prière des compagnons à Médine durant la vie du prophète, alayhi salam. Et il l'a mis au devant de tous les compagnons. وقد فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مراد المصطفى عليه الصلاة والسلام من تقديمه في الصلاة فأجمعوا على تقديمه في الخلافة ومتابعته ولم يتخلف منهم أحد ولم يكن الرب عز وجل يجمعهم على ضلالة فبايعوه طائعين وكانوا لأوامره ممتثلين ولم يعارض أحد في تقديمه. Et les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام ont compris ce que voulait le prophète alayhi salatu wassalam. Quand il a demandé à Abu Bakr Siddiq d'être l'imam, ils ont compris. C'est pour ça qu'ils étaient unanimes à le mettre, le premier khalife de cette communauté, et à le suivre. Et personne ne s'est absenté à lui faire l'allégeance. Tous, ils lui ont fait l'allégeance et ils ont obéi à ses ordres. Hein? Et Allah Azza wa Jal n'allait pas choisir et réunir, n'allait pas unir cette communauté, surtout les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam, sur un égarement impossible. C'est pour ça qu'ils ont fait l'allégeance à Abu Bakr Siddiq, ils lui ont obéi, ils ont mis en application les ordres d'Abu Bakr Siddiq et personne ne s'est opposé à le mettre en avant, à ce qu'il soit le premier des khalifs. Hein? وقد نقل جماعة من أهل العلم المعتبرين إجماع الصحابة ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة على أن أبا بكر رضي الله عنه أولى بالخلافة من كل أحد وهذه بعض أقوال أهل العلم. Et les hommes de science, hein, qui sont considérés et ont réuni beaucoup de paroles qui prouvent qu'il y a eu unanimité chez les compagnons de Mohammed عليه الصلاة والسلام pour qu'il soit le khalife. Et ceux qui les ont suivis après, tabi'in et leurs successeurs, etc., tous, ils ont réuni beaucoup de paroles, et ces paroles vont dans le même sens. Comme quoi, Abu Bakr Siddiq, c'est lui qui mérite la khilafa, et c'est lui le premier khalif, qui devait être le premier khalif de cette communauté. Qala al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, ajma' al-muhajirun wal-ansar ala khilafati Abi Bakrin. Qalu lahu, يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمى أحد بعده خليفة ولم يسمى أحد بعده خليفة فأين يذهب بهذه الروافض أين يذهب بها الوحيد الذي سمي بخليفة رسول الله هو أبا بكر الصديق الخطيب البغدادي رحمه الله دون دير المهاجرون الأنصار Ils ont eu l'unanimité sur la khilafa de Abi Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu. Ils lui ont dit, Ya Khalifa ta Rasulullah, oh le khalif du prophète alayhi salam, oh le remplaçant de Muhammad alayhi salatu salam. Ils n'ont appelé personne par ce terme, remplaçant du prophète alayhi salatu salam. Il n'y a que lui qui a été appelé ainsi. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire de ces déclarations de cette unanimité des compagnons de Muhammad alayhi salatu salam, Rafid Akhzaum Allah? وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله أثنى الله عز وجل على المهاجرين والأنصار والسابقين للإسلام وقد اجمع هؤلاء الذين أثنى الله عليهم ومدحهم على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسموه خليفة رسول الله وبايعوه وانقادوا له وأقروا له بالفضل وهذا في كتابه الإبانة عن أصول الديانة رحمه الله تعالى يا أبو الحسن الأشعري Rahimallahu ta'ala, dit Allah subhanahu wa ta'ala, fait l'éloge al-muhajirun et al-ansar. Il y a ces premiers qui se sont convertis à l'islam. Et ceux-là, leur unanimité à faire des éloges à Abu Bakr Siddiq et à l'imam d'Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala, anhu. Ils l'ont appelé khalifa, le khalifa de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont fait l'allégeance, ils se sont soumis à lui, ils lui ont obéi, ils ont confirmé les vertus d'Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala, anhu. Donc, wa qala kadhalika Abdul Malik al-Juwayni, rahimahullah, amma imamatu Abi Bakrin. رضي الله عنه فقد ثبتت بإجماع الصحابة رضي الله عنهم فإنهم أطبقوا على بذل الطاعة عبد الملك الجويني نديره سليمان هذا أبو بكر الصديق il a été confirmé par l'unanimité des compagnons de Muhammad عليه الصلاة والسلام l'imam et la khilafa d'Abu Bakr الصديق a été confirmé par l'unanimité des compagnons du prophète alayhi salam. Parce que tous, ils se sont soumis à Abu Bakr Siddiq, ils lui ont fait l'allégeance, ils lui ont obéi. Ridwanullah alayhim. وهذا Abu Bakr Siddiq عند موت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك كي ترى بينما المسلمون في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي لهم لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف في الصلاة في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك صلوات ربي وسلامه عليه فنكس أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج إلى الصلاة. فقال أنس: وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الكريمة أن أتموا صلاتكم، ثم دخل الحجرة وأرخى الستر عليه. رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. C'est maintenant on regarde la position d'Abu Bakr Siddiq durant la mort de Mohammed alayhi salatu wassalam. Anas, dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari, rahimahullah ta'ala. Anas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, alors que les musulmans étaient dans la prière d'Al Fajr le jour du lundi, et Abu Bakr Siddiq en tant qu'imam, tout d'un coup ils ont eu la surprise que Rasul sallallahu alayhi wa sallam a lever le rideau de la chambre de Aïcha radiallahu ta'ala anha wa arda. Et il les a vus dans le rang, dans les rangs de la prière, et il a souri. Salawatu rabbi wa salamu alayhi. Et Abu Bakr Siddiq allait reculer, voulait reculer, a commencé à reculer pour rentrer dans le rang, pour que le prophète alayhi salatu wassalam vienne faire l'imam. Parce qu'il a cru que le prophète alayhi salatu wassalam allait sortir et venir faire la prière. Et Anas de nous dire, les musulmans ont failli être perturbés dans leur prière par réjouissance et par contentement qu'ils ont vu le prophète alayhi salatu wassalam lever le rideau. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a fait signe par sa main: terminez votre prière, restez à vos places. Et il est rentré dans la chambre, le rideau est tombé. C'était la dernière fois qu'il le voyait. Salawatu rabbi wa salamu alayhi. Le hadith il est rapporté par l'imam Bukhari. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم وجاء أبو بكر الصديق وعمر يكلم الناس فلم يلتفت إلى شيء حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى في بيت عائشة فكشف التوبة عن وجهه وقبله وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا ثم خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فأبى عمر أن يجلس فلما تكلم أبو بكر جلس عمر رضي الله عنه وارضاه. Le prophète عليه الصلاة والسلام est mort ce jour-là. Abu Bakr Siddiq est venu, quand il a su la nouvelle, il était au loin, et il est venu, Nawali al-Madina, hein, et Omar dans la mosquée en train de parler aux gens, en train de dire, celui qui dit que le Rasoul est mort, je lui ai coupé la tête. Le Rasoul, il est parti au rendez-vous avec Allah, comme est parti Moussa, عليه الصلاة والسلام. Ainsi, hein. Et Abu Bakr Siddiq n'a pas prêté attention à ce que dit Omar ibn al-Khattab. Il est allé directement dans la chambre de Aïcha radiallahu ta'ala anha. Et il a soulevé, hein, le drap qui était sur le visage du prophète alayhi salatu wassalam. Il l'a embrassé sur le front. Il lui a dit: tu es bon, mort et vivant, ya Rasulallah. Et par celui qui tient mon âme entre ses mains, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas te faire mourir deux fois, jamais de la vie. Et il est sorti. Omar encore en train de parler aux gens. Il lui a dit: ya Omar, ijlis. Omar, hein, chaud, etc. Et donc, parti à dire aux gens, celui qui est, il n'a pas écouté. Et, sans prêter attention à Omar, Abu Bakr Siddiq, imaginez dans cette situation-là, cette rumeur, Rasoul est mort, personne ne sait quoi que ce soit, comment ça doit être la situation d'Omar ibn Khattab qui aimait le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, les paroles qu'il devait avoir, essayez d'imaginer la scène. Et donc il n'a pas entendu l'ordre de Abu Bakr Siddiq. Et Abu Bakr Siddiq a parlé. Une fois qu'Abu Bakr Siddiq a parlé, Omar s'est tu. Regardez la compréhension. Il a clairvoyance. Pourquoi c'est lui qui devait être le calife? Pourquoi ils étaient unanimes les compagnons que Abu Bakr Siddiq soit le calife? فأقبل الناس جميعا على أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه وقال ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وقال إنك ميت وإنهم ميتون وكأن الناس لم يسمعوا هذه الآية من قبل وقال تعالى وذكرهم بهذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. Et regardez maintenant la position d'Abu Bakr Siddiq et cette clairvoyance, cette science et cette sagesse que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. pourquoi il devait être le calife de cette communauté. Il a fait les louanges à Allah Azza wa Jal comme il se doit, et après il a dit, ceux qui adoraient Muhammad, alayhi salatu salam, Muhammad est mort. Et celui qui adore Allah, Allah, il est éternel, il ne meurt pas. Et il leur a cité ce verset, comme si les gens n'ont jamais entendu ce verset. Tu mourras et ils mourront. Tu mourras et ils mourront. Il leur a cité un autre verset. Et certes, Muhammad est un messager avant lequel d'autres messagers sont venus. S'il meurt, hein, ou s'il était tué, vous allez vous retourner sur votre situation, vous allez reculer en arrière. Celui qui recule en arrière, il ne fera aucun mal à Allah, Azza wa Jal. Allah, subhanahu wa ta'ala, va récompenser les remerciants. Et donc, beaucoup de compagnons disaient que c'est comme s'ils entendaient ce verset pour la première fois. Certains, comme Uthman ibn Affan, il est resté, il s'est paralysé pendant un moment donné. Il ne pouvait pas se lever de sa place. Beaucoup de compagnons, comme Anas, il disait, quand le prophète alayhi salatu salam est rentré à Médine, la ville était illuminée. Et le jour où il est mort, tout était devenu sombre. On ne se reconnaissait plus, on ne reconnaissait plus rien. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Et ceci est rapporté par l'imam Bukhari. Les gens ont commencé à pleurer. Et quand tout le monde a eu la confirmation de la mort du prophète après la khutbah de Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, l'Ansar se sont réunis avec Sa'd ibn Ubada sous la passerelle de Bani Sa'ida. En général, dans les pays où il fait chaud, tu trouves des passerelles, hein, qu'on construit avec soit des piliers en terre ou là en brique, soit avec des poteaux en palmier. On les couvre de palmiers, des fois on met de la terre dessus pour que les gens ils s'abritent quand il fait chaud, etc. Ils s'y assoient, ils parlent, ils règlent des problèmes ou autres dessus. Donc, ils étaient assis sous la Saqifa, sous la passerelle de Banu Sa'ida, et les Muhajiroun sont arrivés. Après qu'ils aient terminé Kouma, ils ont terminé leur concertation entre eux. Après que l'Ansar se sont concertés entre eux. Et après les débats qu'il y a eu entre eux. L'Ansar disait, de nous il y aura un émir et de vous il y aura un émir. Abu Bakr dit, cette situation d'El Imara reste dans Quraysh. Parce qu'il y a un hadith du prophète alayhi salam là-dessus. Là, l'Imara reste dans Quraysh. Cette situation c'est pour Quraysh. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس قالوا بلى قال فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر قالوا نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر وأخذ عمر بيد أبي بكر الصديق فقال من له هذه الثلاثة إذ هما في الغار من هما إذ يقول لصاحبه من صاحبه إن الله معنا مع من ثم بسط يده فبايعه ثم قال بايعوه فبايعه الناس رضي الله عنهم أجمعين. Maintenant, et Omar ibn Khattab s'est levé, il a dit, oh Ansar, vous savez que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Abu Bakr Siddiq, il a mis comme imam alors qu'il était en vie. Ils ont dit, certes on le sait. Il dit, à qui il s'y est d'être de au-devant de Abu Bakr Siddiq, alors que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a mis comme imam. Et tout le monde a dit, A'udhu billah, on ne se mettra pas devant Abu Bakr Siddiq. Omar ibn Khattab a pris la main de Abu Bakr Siddiq, il a dit, à qui appartiennent ces trois choses qui sont citées dans le Coran? Quand ils sont dans la grotte, qui sont ces deux-là? Quand il dit à son compagnon, qui était son compagnon dans la grotte? Quand tu lui dis, Inna Allah ma'ana, Allah est avec nous, c'est qui? Tout ça, Toutes ces trois choses qui sont dites dans le Coran, c'est à qui? C'est à Abu Bakr Siddiq. Et il a pris sa main, il a fait l'allégeance à Abu Bakr Siddiq. Omar a fait l'allégeance à Abu Bakr Siddiq et les gens ont suivi. Radiallahu anhu wa arda. وهذه مواقف أبو بكر الصديق في الجهاد قال ابن كثير رحمه الله لم يختلف أهل السير أن أبا بكر لم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشهد من مشاهده كلها فالصديق جاهد رضي الله عنه بنفسه وماله ورأيه ولسانه في نصرة هذا الدين العظيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. Et ses positions pendant, sur le combat, sur le sentier d'Allah Azza wa Jal, hein? Aucun, tous ceux qui ont fait les biographies du prophète alayhi salam, et tous ceux qui ont relaté l'historique de cette communauté, hein? Depuis l'envoi de Mohammed alayhi salam, jusqu'à la fin, sont unanimes. Comme quoi Abu Bakr Siddiq ne s'est jamais absenté d'une bataille que le prophète a fait. Il était présent à toutes les batailles avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Toutes les batailles. Hein? Le véridique de cette communauté a été combattant avec son corps, avec sa fortune, avec son opinion, avec sa langue, dans le fait de faire triompher cette religion à tous les moments et en tous les lieux où le prophète était. رضي الله عنه وارضاه فها هو في غزوة بدر الكبرى لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم نجاة القافلة التي يقودها أبو سفيان وإصرار زعماء مكة على قتال النبي صلى الله عليه وسلم استشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في الأمر فقال أبو بكر فقال وأحسن ثم قال عمر فقال وأحسن voici maintenant dans la concertation au moment de la bataille de Badr la grande bataille de Badr. Badr al-Kubra. Parce qu'il y a eu d'autres Badr qui sont petites. Mais il y a la bataille de Badr al-Kubra, celle qu'on connaît tous. Hein? Quand est arrivée la nouvelle au prophète alayhi salam que la caravane que conduisait Abu Sufyan, ils ne pourront pas la voir, qu'il est sauvé. Et que les leaders et les commandants de Quraysh persistent à venir faire la guerre à Mohammed alayhi salam et à ses compagnons, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est concerté avec ses compagnons pour cette situation. Abu Bakr Siddiq s'est levé, il a parlé, il n'a dit que du bien, il a été à la perfection dans ce qu'il a dit. Omar s'est levé, il a été à la perfection dans ce qu'il a dit. Regardez, dans la concertation, Abu Bakr Siddiq était là, présent. Il donnait son avis. Du coup, dans le combat et dans tout, il faisait le combat avec son opinion, avec ses idées, avec sa clairvoyance et sa sagesse. Il émettait des idées. Hein? Il donnait son opinion dans les situations. كذلك في أرض المعركة كان بجانب الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه بعد الشروع في الأخذ بالأسباب اتجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه يدعوه ويناشده النصر الذي وعده ويقول في دعائه اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا وما زال صلى الله عليه وسلم يدعو ويستغيث حتى سقط رداؤه فأخذه أبو بكر ورده على منكبيه وهو يقول يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك فإنه منجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Donc voici maintenant aussi, avant le début de la bataille, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, après tous les moyens qu'il devait prendre, tous les moyens matériels, les stratégies, etc., il les a mis de son côté, il les a utilisés. Et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans l'endroit qu'on lui a fait pour qu'il s'abrite, l'Arish, il est rentré dedans, il a levé les mains vers le ciel et s'est orienté vers Allah Azza wa Jal pour qu'il le fasse triompher. Et qu'il lui donne la promesse qu'il lui a promis. Et il disait dans son dua, « Oh Allah, donne-moi ce que tu m'as promis. Hein? Accomplis-moi ce que tu m'as promis. Oh Allah, c'est cette bande. Piri, tu ne seras plus adoré sur terre. » En parlant des compagnons de cette bande, de ce petit groupe qui est allé faire la bataille de Badr, Ridwanullah alayhim. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam continuait à demander secours à Allah, azza wa jalla, à faire ce doigt, jusqu'à ce que son vêtement en haut rida, il est tombé. Et Abu Bakr Siddiq l'a pris, il l'a remis sur les épaules de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu pitié du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ya Rasulallah, ça te suffit. Allah subhanahu wa ta'ala, tu as demandé, ça te suffit. Allah subhanahu wa ta'ala, il va accomplir ce qu'il t'a promis. Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ce verset, quand vous demandez secours à votre Seigneur, Allah il vous a exaucé. Quand vous avez demandé secours à votre Seigneur, Allah il vous a exaucé. Et il vous a exaucé. Regardez même, dans les parties où Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est mis tout seul, hein, Abu Bakr Siddiq, cette prouve, cette intimité, et ce lien très proche qu'avait Abu Bakr, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa arda. وفي رواية ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد فأخذ أبو بكر بيدي فقال حسبك فخرج صلى الله عليه وسلم وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. Et dans la version d'Ibn Abbas رضي الله تعالى عنه وارضاه qui est chez l'imam al-Bukhari, alors que la première est chez l'imam muslim, hein. Il dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la bataille de Badr, a dit, oh Allah, je te demande ce que tu m'as promis. Et si tu veux, tu ne seras plus adoré. Si tu veux, tu ne seras pas adoré. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'il ne s'adore pas, c'est sûr, hein. Abu Bakr Siddiq a pris la main du prophète, alayhi salam, il lui a dit, ça te suffit, hein. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est sorti. Et il disait, alayhi salatu salam, ce groupe va perdre, ce groupe va perdre, ils vont se sauver. Ils vont se sauver. Et c'est arrivé comme, hein, a promis Allah Azza wa Jal cette victoire à Muhammad alayhi salatu salam et à ce petit groupe qui a combattu ces mécréants. Enfin aussi Abu Bakr Siddiq avec les prisonniers de la bataille de Badr. Partie de ceux que, à qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a demandé la vie sur les prisonniers de la bataille de Badr. قال ابن عباس رضي الله عنهما فلما أسروا الأسرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسرى قال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن نأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب قال لا والله يا رسول الله ما أرى الذي يراه أبو بكر ولكني أرى أن تمكننا منهم فنضرب أعناقهم فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما قال أبو بكر ولم يهوي ما قلت الحديث ونزل الوحي يؤيد رأي عمر بن الخطاب والشاهد أن أبا بكر دائما في المقدمة دائما هو الأول. Donc écoutez maintenant pour cette concertation qu'a eu le prophète alayhi salam, dans ce qui est rapporté par l'imam muslim, Ibn Abbas de nous dire quand ils ont ramené les prisonniers de Badr, de la bataille de Badr. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr Siddiq et à Omar, ou deux, qu'est-ce qu'on doit faire pour les prisonniers? C'est quoi votre avis? Abu Bakr Siddiq a dit au prophète d'Allah, ils font partie de nos familles, c'est un lien. Un lien de sang avec, ils font partie d'une tribu, etc. Ce sont nos proches, etc. On prend une compensation. Hein? Et on les laisse. Cette compensation va nous donner de la force sur les mécréants. Peut-être qu'Allah subhanahu wa ta'ala les guide à l'islam. Il a dit, ya Omar, qu'est-ce que tu vois toi? C'est quoi ton opinion toi, Omar? Il dit, par Allah, ya Rasulallah, je ne vois pas ce que voit Abu Bakr Siddiq. Mais je vois que tu nous laisses, qu'on coupe la tête à tout un chacun. Chacun prend quelqu'un de sa famille et lui tranche la tête. Car ceux-là, ce sont les imams de la mécréance. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a préféré s'épancher vers la vie d'Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala anhu warda. Mais la révélation, quand il est descendu, il est descendu donner raison à Omar ibn al-Khattab, radiallahu ta'ala anhu warda. Mais Shahid, le témoignage dans cette situation, c'est que, à qui il a demandé le premier? À Abu Bakr. C'est-à-dire qu'Abu Bakr est toujours le premier, radiyallahu ta'ala anhu warda. كذلك في غزوة أحد عندما نزل بالمسلمين ما نزل بعد أن ترك الرماة الجبل وتفرق المسلمون هنا وهناك وكان ممن ثبت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وبعض الصحابة Et aussi durant la bataille de Badr, de Uhud, 2 ans après, où ils ont reçu cette énorme défaite. Parce que les Arabes ont désobéi au prophète alayhi salam et que les musulmans ont été dispersés. Hein, et peu sont restés auprès du prophète alayhi salam. Et parmi ceux qui sont restés autour du prophète alayhi salam, Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala et certains compagnons. وتتضح لك منزلة الصديق في غزوة بدر من موقف أبي سفيان بن حرب عندما سأل فقال أفي القوم محمد فقال صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه فقال أفي القوم ابن أبي قحافة يعني أبا بكر الصديق فقال لا تجيبوه فقال أفي القوم ابن الخطاب Est-ce qu'il va encore t'éclairer sur la position et la place qu'a Abu Bakr Siddiq dans cette communauté? Durant la bataille de Badr, durant la bataille de Uhud, la position qu'avait Abi Sufyan, Ibn Harb, radiyallahu ta'ala, anhu, voilà. Hein? Quand il était à ce moment-là mécréant durant la bataille de Uhud, il a dit, est-ce que, quand les compagnons se sont réfugiés là où ils se sont réfugiés, ben il a dit, est-ce que dans les gens, Muhammad, il demande, est-ce que Muhammad est vivant? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne leur répondez pas. Ne lui répondez pas. Et quand personne ne lui a répondu, il a cru que Muhammad est mort. Qu'est-ce qu'il demande? L'avis de qui il demande en deuxième? Il demande à Abu Bakr Siddiq. Est-ce que Ibn Abi Quhafa est vivant? Et tout de suite après le prophète, il a demandé qui? Abu Bakr Siddiq. Il lui a dit, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ne lui répondez pas. Et après il a demandé qui? Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala. Vous voyez, même chez les mécréants, ils mettaient en position qui, après le prophète alayhi sallam, Abu Bakr Siddiq, toujours au devant, juste après le prophète alayhi sallam. Donc, tu vois, que ce soit dans les concertations du prophète alayhi sallam, ou là que ce soit même les mécréants, Abu Sufyan, quand il était mécréant, il a demandé, hein, à la fin de la bataille, est-ce que Abu Bakr est vivant, après avoir demandé le prophète alayhi sallam. Et après Abu Bakr, il a mis Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala anhu arda. فقال أبو سفيان إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا أحياء لا أجابوا فلم يملك عمر نفسه فقال كذبت يا عدو الله أبقى الله لك ما يخزيك أبقى الله عليك ما يخزيك أبو سفيان s'écrie ceux-là ils sont morts, ils ne sont plus vivants, parce que s'ils étaient vivants ils auraient répondu. Omar ibn al-Khattab ne s'est pas retenu, hein? Il a dit non, tu mens, ennemi d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a laissé pour toi ce qui va te déplaire et ce qui va te mécontenter et t'attrister. فهذا يدل على أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وهما أعمدة الإسلام بعد نبيهم. Cela te prouve dans ces situations que les meilleurs de la communauté après le prophète alayhi sallam, c'est Abu Bakr en premier et après Omar, et que ce sont les piliers, hein, de l'islam après leur prophète alayhi sallatu salam. Kadalika mawqif Abu Bakr Siddiq fi al-Hudaybiyya. Fi al-Hudaybiyya. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اصحابه من المدينه الى مكه لاداء العمره وفي الطريق وصل الخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل مكه جمعوا جموعهم لصدي عن الكعبه فقال صلى الله عليه وسلم لاصحابه أشيروا علي أيها الناس فقال أبو بكر أول من قال أبو بكر يا رسول الله خرجت عامدا لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه فقال صلى الله عليه وسلم امضوا على اسم الله والحديث رواه إمام البخاري رحمه الله تعالى يكون مو ils sont partis pour l'Hudaybiyya, hein, l'année où il y a eu le pacte de l'Hudaybiyya. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec ses compagnons de Médine vers la Mecque pour accomplir l'Umra. Et sur le chemin, la nouvelle leur est arrivée comme quoi les gens de la Mecque réunissaient une armée pour ne pas les laisser rentrer à la Mecque. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses compagnons, dites-moi ce que je dois faire. Abu Bakr Siddiq directement lui a dit, premier qui a parlé lui a dit, Abu Bakr Siddiq lui a dit, ô prophète d'Allah, ô messager d'Allah, tu es sorti pour aller, hein, vers cette maison, vers la maison de Allah Azzawajal, tu ne veux tuer personne, tu ne veux combattre personne, tu ne veux faire la guerre à personne, bah, oriente-toi, vas-y, et nous sommes avec toi. Et ceux qui viennent s'opposer à nous pour arriver là-bas, on va leur faire la guerre. Et tout de suite, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, allez-y, avancez au nom d'Allah azza wa jal. Et là, le hadith, il est rapporté par l'imam Bukhari. Kadhalika fil mufawadat, pendant les pourparlers du pacte d'Al-Hudaybiya. Ja'at wufud Quraysh lil mufawada. لمفاوضة النبي صلى الله عليه وسلم وكان من بين هؤلاء الوفود عروة بن مسعود الثقفي الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا محمد جئت لقتال قومك فإن قتلتهم فهل رأيت أحدا قبلك اجتاح قومه أي أهلكهم وإن كانت الأخرى يهنع زمت أنت فإني والله أرى حواليك أوباشا خليقا أي حقيقا أن يفروا عنك ويدعوك فقال أبو بكر رضي الله عنه لعروة بن مسعود أمصف بذر اللات أمصف بذر اللات أنحن نفر عنه وندعه قال عروة من هذا قال له هذا أبو بكر فقال عروة والله لولا يد لك عندي أي نعمة لم أجزك بها أي لم أكافك بها لأجبتك من الذي أجاب عروة هذا أبو بكر الصديق الذي أجابه هذا قال أمصف بذر اللات. Et quand les délégations de Quraysh sont venues pour les pourparler, arrivé à un point d'entente avec le prophète alayhi salam, parmi cette délégation, il y avait Urwa ibn Mas'ud Thaqafi, qui a dit au prophète alayhi salam, « Ô Muhammad, si tu combats ton peuple, est-ce que tu as vu déjà quelqu'un combattre son peuple? Est-ce que tu as vu déjà quelqu'un faire périr son peuple? Et si c'est l'autre, c'est-à-dire que si ton peuple t'a combattu, ils prennent le dessus sur toi, je vois qu'autour de toi, il n'y a que des aoubaches, c'est-à-dire il n'y a que des fuyards. Ils vont te laisser libre, hein? Ils vont se sauver au moment où la bagarre va arriver, va commencer. Abou Bakr lui a dit, qui a répondu tout de suite? Personne n'a répondu. Abou Bakr Siddiq, directement le premier, dit, Abou Bakr a dit à Urwa ibn Mas'ud, va têter, va sucer l'at, hein? Va la têter, n'ta. Nous allons le sauver et le laisser. Urwa lui a dit, qui c'est qui a parlé? Il a dit, hada c'est Abu Bakr. Et là, Urwa s'est calmé. Il lui a dit, si tu avais pas quelque, tu m'as fait quelque chose, je ne t'ai pas récompensé, je t'aurais répondu. Si je t'avais pas récompensé pour un parce que je ne t'avais pas récompensé pour un bien que tu m'as fait, ben je ne te réponds pas. Et le témoignage ici, c'est quoi? C'est qui a parlé? Abu Bakr Siddiq, radiallahu ta'ala. Et regardez comment il était dans le terme qu'il a employé. Va t'éteindre, direct. Et ça, c'est une énorme insulte pour un arabe, à leur époque. Et surtout si il adore l'at. Ça y est. كذلك موقفه رضي الله تعالى عنه وارضاه من الصلح عندما وافق النبي صلى الله عليه وسلم على بعض شروط قريش الجائرة في صلح الحديبية قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه فأتيت نبي الله فقلت له ألست نبي الله حقا قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قلت فلمن أعطي الدنيا في ديننا إذن قال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولست أعصيه وهو ناصري. Et maintenant au moment du pacte, il y a eu la signature du pacte, etc. Et sur ce pacte, il y a des points qui apparaissent aux compagnons et qui apparaissent qui sont injustes. Mais Rasoul صلى الله عليه وسلم voyait une chose, il y avait un but pour accepter ce pacte et qu'il y avait un intérêt pour la communauté de l'islam, comme il va s'avérer par la suite. Donc le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a accepté ces conditions, même s'ils étaient injustes. Et il y a eu ce pacte d'Al-Hudaybiya. Omar ibn al-Khattab, quand il a entendu ça, il est venu voir le prophète alayhi wa sallam. Il dit, si, ya Rasulallah, tu es prophète d'Allah véridiquement? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, il n'y a pas de doute là-dessus, je suis prophète d'Allah. Il dit, nous sommes sur la vérité, et notre ennemi, il est sur le faux et dans le faux. Il dit, certes, on est sur la vérité. Il dit, pourquoi on se rabaisse pour notre religion devant les mécréants? Pourquoi on se rabaisse alors qu'on est sur la vérité devant ces mécréants? Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis le messager d'Allah et je ne vais pas lui désobéir. C'est-à-dire, je vais pas désobéir à Allah. Et Allah, il va me faire triompher. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قلت أوليس كنت تحدثنا أن سنأتي البيت فنطوف به قال بلى فأخبرتك أن نأتيه العام قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به عمر بن الخطاب il a pas encore avalé la couleuvre hein? Il a dit يا رسول الله est-ce que tu nous as pas dit que nous allons venir faire tawaf autour de la maison d'Allah. Hein? Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam dit, est-ce que je t'ai annoncé que tu allais le faire cette année? Omar ibn al-Khattab lui a dit non. Il lui a dit, mais tu vas y venir, et tu vas faire tawaf autour de la Kaaba. N'aie crainte. Et Omar ibn al-Khattab n'est pas encore convaincu. Il y a toujours quelque chose qui est resté. Et il est allé voir Omar. Il est allé voir Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala. Omar radiyallahu ta'ala nu قال فأتيت أبا بكر فقلت يا أبا بكر ليس هذا نبي الله حقا قال بلى قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل قال بلى قال فلمن أعطي الدنية في ديننا إذن. Il est venu vers Omar ibn al-Khattab, il est venu vers Abu Bakr Siddiq. Il lui a dit يا أبا بكر الصديق n'est-il pas le prophète d'Allah véridiquement? Il lui a dit certes c'est le prophète d'Allah. Il dit, ne sommes-nous sur la vérité ou pas? Et que notre ennemi il est dans le faux? Il dit, certes, on est sur la vérité, ils sont dans le faux. Il dit, pourquoi on se rabaisse pour notre religion devant ces mécréants? قال أبو بكر أيها الرجل. اسمع الآن أبو بكر. Sa position, comment il est? أيها الرجل إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يعصي ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه أي اتبع قوله وفعله ولا تخالفه فوالله إنه لعلى الحق قلت أليس كان يحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به قال بلى أفأخبرك أنك آتيه العام قلت لا قال فإنك آتيه ومطوف به أبو بكر الصديق دي لوي دير أوم أيها الرجل ساش كيلي لو ميساجي دالله عز وجل كي فا با ديزوبيير ا الله الله فا لو فير تريونفي اتاش توا ا سي بارول اتاش توا ا سي زاكت نو ديفيرج با افيك لوي بار الله الي سور لا فيريتي ال بارل دو كي دي محمد عليه الصلاه والسلام اي عمر بن الخطاب دو دير لا ميم شوز لا ميم كيسيون لا روبوز ا ابا بكر الصديق است كي نوزا با دي كو نوز الون فينير فير تواف اوتور دو لا كعبه. Il lui a dit, certes, il te l'a dit. Mais est-ce qu'il t'a annoncé que tu allais le faire cette année? Il lui a dit, non, il ne m'a pas dit que j'allais le faire cette année. Il a dit, n'aie crainte, tu vas y venir et tu vas faire tawaf. Fanta, ndour l'an. كيف تكلم أبو بكر بنفس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم علما أنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما قال لعمر بن الخطاب. فهذا يدل على شيء. إنما إذا دل على شيء إنما يدل على أن أبا بكر الصديق كان أكمل الصحابة وأعرفهم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بأمور الدين وأشدهم موافقة لأمر الله تعالى وتصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قلبه رضي الله عنه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مثل قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك استحق هذا الرجل أن يكون صديق هذه الأمة الأكبر وأن يكون أحب الرجال قاطبة إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maintenant regarde, frère, en Allah Azza wa Jalla, regarde cette clairvoyance avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala il a doté Abu Bakr Siddiq. Il a répondu, il a donné les mêmes réponses à Omar ibn al-Khattab, les mêmes identiques que lui a donné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'a pas entendu la conversation qui a été entre Omar et le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Mais il lui a dit les mêmes choses. Ça, si ça te prouve quelque chose, ça prouve qu'Abu Bakr Siddiq était le plus complet parmi les compagnons de Muhammad alayhi wa sallam, et était celui qui connaissait au mieux les situations de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et était celui qui était, il avait une grande connaissance dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Et celui qui concordait dans les avis et dans les positions concordées le plus souvent avec l'ordre d'Allah Azza wa Jal et qui prenait comme véridique hein, tout ce qui venait de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il avait le même cœur que le cœur de Mohammed alayhi salam. C'est pour ça qu'il a mérité d'être le véridique de cette communauté. Le plus grand véridique de cette communauté. Même le véridique de l'humanité après les prophètes alayhi salam. Et il a mérité d'être l'homme que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam aimait plus que qui que ce soit. C'était l'homme le plus cher au prophète alayhi salam. Et l'homme que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus parmi ses hommes. Parmi les autres compagnons. وكذلك موقفه في غزوة تبوك رضي الله عنه وارضاه في غزوة تبوك طلب الصديق من رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء للمسلمين يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد أي في حر شديد فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستقطع حتى إن الرجل لينحر بعيره فيعتصر فرثه فيشربه ثم يجعل ما بقي على كبده فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله إن الله قد عوذك في الدعاء خيرا فادعوا الله قال صلى الله عليه وسلم أتحب ذلك قال أبو بكر نعم يا رسول الله فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فلم يردهما حتى قالت السماء أي تهيأت لإنزال مائها فظلت أنزلت مطرا خفيفا ثم سكبت فملأوا ما معهم ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر والحديث قال الحاكم أنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه رحمة الله عليهم جميعا يكوتي maintenant dans la bataille de Tabouk quand ils sont partis. Cette bataille a eu lieu au solstice d'été, à une période très chaude. Hein? Où Siddiq a demandé à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de faire un dua. Et de Omar ibn al-Khattab de nous dire, nous sommes sortis à une époque très chaude. Il faisait très chaud vers Tabouk. Et nous avons campé dans un endroit et nous avons eu très soif. Que certains parmi nous hein, croyaient que ça y est, c'est leur fin. Hein? Pas que parmi eux certains font nahar de leur chameau et ils sortent, tu vois, les tripes et l'estomac de la bête, ils le vident et après ils serrent l'eau qu'il y a dedans et ils le boivent. Et après ils prennent tout ce qu'ils sont sortis du ventre, hein, de l'estomac de leur chamelle, ils le mettent sur leur ventre pour rafraîchir. Ça veut dire que la situation est énorme. Chaleur torride. Très énorme. Et Abu Bakr Siddiq est allé voir le prophète alayhi salatu wa sallam et dit « Ô messager d'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala a l'habitude avec toi de te donner le bien quand tu demandes. Fais du dua. » Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, regardez maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit à Abu Bakr Siddiq? Tu aimerais ça? Et Abu Bakr lui a dit oui. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a exaucé la demande d'Abu Bakr Siddiq. Ça te prouve la place qu'avait Abu Bakr Siddiq chez le prophète alayhi salam. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a levé ses mains vers le ciel. Avant de les rabaisser, le ciel a changé. Du nuage qui porte l'eau sont arrivés. Et l'eau est tombée. L'eau. Et ils ont ramassé de l'eau. Ils ont bu. Ils ont retenu de l'eau avec eux, etc. Ils ont fait leur réserve d'eau. Hein? Et après, ils sont sortis voir en dehors du campement militaire qu'ils avaient. De leur campement, s'il y avait de l'eau, il n'y avait pas. Il y avait juste à cette place-là. Le hadith, il est rapporté par Al-Hakim. Et Al-Hakim, il dit, ce hadith, il est selon les conditions d'Yal, l'imam Bukhari ou l'imam Muslim, mais ils ne l'ont pas rapporté. Ça te prouve que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cette demande de Abu Bakr Siddiq. Ça te prouve la place qu'avait Abu Bakr Siddiq. Qu'est-ce qu'il dirait Rafid al-Khabit devant ses positions et devant cette façon de faire du prophète alayhi wa sallam avec Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu wa Allah. كذلك مواقفه في الجهاد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. Ses positions dans le combat après la mort du prophète عليه الصلاة والسلام. يقول أنس بن مالك radiyallahu anhu لما بويع أبو بكر في السقيفة وكان الغد جلس أبو بكر على المنبر فقام عمر بن الخطاب قبل أبي بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أيها الناس قد كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت وما وجدتها في كتاب الله ولا كانت عهدا عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني قد كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدبر أمرنا يقول يكون آخرنا وإن الله قد أبقى فيكم كتاب الله كتابه الذي به هذا الله الذي به هذا الله هذا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن اعتصمت به هداكم لما كان هداه له وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثاني اثنين إذ هما في الغار فقوموا فبايعوه أنس بن نذير بن مالك رضي الله عنه quand ils ont fait l'allégeance à Abu Bakr Siddiq selon Brel de Banu Saïda le lendemain matin Abu Bakr Siddiq s'est installé sur le minbar Omar ibn Khattab s'est levé avant Abu Bakr Siddiq il a fait les louanges à Allah Azza wa Jal comme il se doit il a dit aux gens hier je vous ai dit quelque chose mais cette chose je ne l'ai pas trouvée dans le livre d'Allah Azza wa Jal et ce n'est pas quelque chose que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam m'a dit mais je voyais que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam allait être avec nous jusqu'à la fin mais Allah subhanahu wa ta'ala a laissé au milieu de vous son livre avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a guidé avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala a guidé son messager a guidé hein? Si vous vous cramponnez Allah subhanahu à ce livre vous allez être guidé dans la guidée qui est transcrite dans ce livre Allah subhanahu wa ta'ala réunit votre situation sur le bien Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'unanimité de votre situation sur votre bien, c'est-à-dire en se réunissant autour de Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, qui est le compagnon du messager d'Allah Azza wa Jal dans la grotte, alors qu'il était le deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte, levez-vous pour lui faire l'allégeance. Et là, ça va être l'allégeance publique. C'était l'allégeance de certains compagnons avec certains ansars. Maintenant, dans la mosquée, ça va être l'allégeance publique. فبايع الناس أبا بكر بيعته العامة بعد بيعة السقيفة ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله ثم قال أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم وهذا والله من تواضعه رضي الله تعالى وارضاه فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة الضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله قال ابن كثير إسناده صحيح وأخرجه في البداية والنهاية كما أخرجه الطبري وابن هشام في السيرة donc les gens après la parole de Omar ibn Khattab ils ont fait ils se sont levés ils ont fait l'allégeance à Abu Bakr Siddiq رضي الله تعالى عنه et ça c'est l'allégeance générale il y a eu cette allégeance sous l'ombrelle de Banu Sa'ida maintenant c'est l'allégeance générale de tout le monde et après Abu Bakr Siddiq a parlé, il a fait les louanges à Allah Azza wa Jal comme il se doit, et après il a dit, et après, aux gens, je suis votre gouverneur maintenant, je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Et ça, par Allah, c'est la modestie de Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Si je fais bien, aidez-moi, si je fais mal, remettez-moi sur les rails. Le fait d'être véridique, c'est une amana, et le fait de mentir, c'est une trahison. Le faible parmi vous, il est fort chez moi, jusqu'à ce que je lui prends son droit. Inch'Allah, si Dieu le veut. Inch'Allah. Et le fort chez vous, il est faible chez moi, jusqu'à ce que je prends le droit de ceux à qui il a pris leur droit. Inch'Allah. Et il dit, un peuple ne délaissera le combat sur le sentier d'Allah Azzawajal, Allah subhanahu wa ta'ala, il va les avilir. Quand un peuple délaissera le combat sur le sentier d'Allah Azzawajal, Allah, il va les avilir. Et quand la terpitude et l'oblamable vont se propager dans un peuple, ils vont avoir des énormes épreuves. Obéissez-moi tant que j'obéis à Allah et à son messager. Si je désobéis à Allah et à son messager, vous n'avez pas à m'obéir. Levez-vous pour faire votre prière, que Allah subhanahu wa ta'ala vous comble de sa sainte miséricorde. Ceci est rapporté par une chaîne, Ibn Kathir, il dit, ce hadith, il a une sa chaîne de transmission, elle est authentique. Il est rapporté par Ibn Hisham aussi, par Imam Tabari dans la chronique de son histoire, etc. Kadalika hirsu ala tiba'i Mustafa alayhi salatu wassalam fi kulli shay. Aussi, il s'est acharné à suivre le prophète alayhi salatu wassalam dans toutes choses après qu'il soit calife du prophète alayhi salatu wassalam. Ba'dan tawalla Abu Bakr al-khilafa harasa ala ittiba'i an-nabi sallallahu alayhi wasallam fi kulli shay'in. Wa lidhalika qala ayyuha an-nas innama ana muttabi'un wa lastu bimubtadi'. Allahu akbar. Tasma' al-an min qissas ba'd al-jama'at. Wallahi in kana al-'amalu salihan fa'maluh. Ha? وقال رضي الله عنه لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به فإني أخشى إن تركت شيئا من أمري أن أزيغ. Je vais écouter maintenant ce qu'il dit رضي الله تعالى عنه وارضاه. Après le pouvoir de la communauté, il s'acharnait à suivre le prophète عليه الصلاة والسلام dans toutes choses. Il a dit aux gens, je suis quelqu'un qui suis et je ne suis pas un innovateur. Quelqu'un qui suit qui Mohammed alayhi salatu wassalam. Et je ne vais pas innover. Et maintenant, certains contours, certains responsables du groupe, ils disent, par Allah, si un acte est bon et le prophète ne l'a pas fait, faites-le. Regardez. Quand tu mets cette parole à côté de la parole de Abu Bakr Siddiq, qu'est-ce que ça te donne? Et il a dit, je ne vais pas laisser quelque chose que le prophète faisait sans la faire, par peur, si je la laisse, que je dévie de sa voix. Hein? وقال رضي الله عنه والله لا أدع أمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيه إلا صنعته. Je ne laisserai pas une situation que j'ai vu le prophète faire sans la faire. Regardez cet exemple qui nous, ça veut dire que ce sont ceux que nous devons prendre comme modèle. Donc nous devons suivre leur chemin dans leur suivi. رضوان الله عليهم. ولذلك عندما أرسلت فاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر تسأله ميراثها من أبيها فقال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم من هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا رضي الله عنه وارضاه رواه الإمام البخاري والإمام مسلم هذه cette position rien laisser dû à suivre à mettre en application les ordres du prophète عليه الصلاة والسلام فاطمة رضي الله تعالى عنها il a envoyé à Abu Bakr Siddiq lui demandant l'héritage de son père. Et Abu Bakr Siddiq lui a dit, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit, nous autres les prophètes, on ne s'irrite pas. Ce qu'on laisse, c'est une aumône. Ce qu'on laisse, c'est une aumône. Il a dit, radiallahu ta'ala, mais la famille de Mohammed alayhi salatu wassalam, va manger de cet argent. Hein? Il dit, par Allah, je ne vais rien changer de l'aumône de Mohammed alayhi salatu wassalam. Je vais la laisser telle qu'elle. Et comme il a été à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Et je ne vais faire dans ce sens-là que ce qu'a fait le prophète alayhi salatu wassalam. Et Abu Bakr Siddiq a refusé de donner quoi que ce soit à Fatima radiallahu ta'ala anhu wa Allah. C'est pas qu'il lui spolie son droit, mais il met en application la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam. Il suit les ordres de Muhammad alayhi salatu wassalam. وعندما اقترح بعض الصحابة رضي الله عنهم على أبي بكر أن يبقي جيش أسامة ولا ينفذه فقال لهم أنا أحبس جيشا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اجترأت على أمر عظيم والذي نفسي بيده لأن تميل العرب أحب إلي من أن أحبس جيشا بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية قال لهم والذي نفس أبي بكر بيده لو ظننت أن السباع تخطفني لأنفذت بعث أسامة كما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يبق في القرى غيري لأنفذته وفي رواية أخرى والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن الطير تخطفنا والسباع من حول المدينة ولو كان الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأجهزت جيش أسامة رضي الله عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه والله فأغادي maintenant cet exemple dans le suivi comment il est et cette fermeté le fait de suivre Mohammed عليه السلام jusqu'au bout. Certains compagnons de Mohammed alayhi salatu salam ont suggéré à Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala de ne pas envoyer. Parce qu'avant la mort de Mohammed alayhi salatu salam, il a préparé une armée à la tête de laquelle il y avait Usama radiallahu anhu comme commandant pour aller combattre les Romains. Ils vont traverser toute l'Arabie pour y aller. Et certains compagnons ont suggéré à Abu Bakr Siddiq de ne pas envoyer cette armée, de la garder. Il leur a dit, c'est pas moi d'arrêter une armée que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a préparée. Je vais l'envoyer. Si j'agis ainsi, c'est-à-dire que j'ai une audace énorme. Et une audace mal placée. Il a dit, par celui qui tient mon âme entre ses mains, même si les Arabes se tournaient et se réunissaient pour le combattre, et revenaient vers moi, vers Médine, je n'arrêterai pas l'armée de Usama. Je n'arrêterai pas cette armée que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a préparée pour la faire partir. Dans une autre version, par celui qui tient l'âme d'Abu Bakr dans ses mains, même si les lions et les fauves vont m'attraper, vont me grignoter, etc., je vais envoyer. Si je crois que les lions et les fauves vont me grignoter, je vais envoyer l'armée de Usama comme l'a ordonné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Même s'il reste personne dans les villages, à part moi, j'enverrai. Dans une autre version, il dit, par Allah, je ne dénouerai pas les nœuds d'un drapeau que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a noué. Drapeau de guerre. Drapeau de cette armée. Et même si les oiseaux venaient à nous prendre. Et même si les fauves étaient autour de Médine. Et même si les chiens tirer les mères des croyants par leurs pieds. Je vais envoyer l'armée de Usama. Vous voyez jusqu'où il est. Rien ne l'empêchait d'arrêter. Ça te prouve comment il était dans le suivi de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et comment il ne voulait pas arrêter quelque chose ou un projet que le prophète alayhi salatu wassalam a entamé. كذلك جهاد لأهل الردة. يقول أبو هريرة لما توفي رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف أبو بكر وكفر من كفر من واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عاصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله إيه au moment où c'est sa position dans le combat contre ceux qui ont apostasi parmi les tribus arabes. Abu Huraira de nous dire, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam est mort et que Abu Bakr Siddiq est devenu khalifa, certaines tribus, certains arabes sont devenus mécréants, sont revenus à leur première situation. Omar a dit, et Abu Bakr Siddiq s'est préparé pour les combattre. Omar a dit, ya Baba, comment tu veux les combattre alors que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah, et celui qui la dise, il est sauvé, il est épargné, sa fortune est épargnée, lui-même est épargné, sauf avec les droits de la ilaha illallah, et son compte sera, il est épargné par les droits de la ilaha illallah, et son compte sera chez Allah, azza wa jal. Qala Abu Bakr, والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا أي أنت من ولد المعز كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فالله فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. والحديث رواه الإمام البخاري. أبو بكر دو دير عمر بن الخطاب دو ريبليكي دو ريبوندر par Allah, je vais combattre tout un chacun qui se parera, qui fera la différence entre la prière et la zakat. Car zakat, c'est le droit de la fortune, le droit de l'argent. Et si ils retiennent, ils ne me donnent pas une petite chèvre, une femelle de chèvre qu'ils donnaient au prophète alayhi salam, ben je vais les combattre pour ça. Et Omar, il a dit: par Allah, j'ai vu que Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert son cœur pour ce combat, et j'ai su que c'était la vérité. وكان مما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله، تألف الناس وارفق بهم. فقال له أبو بكر: رجوت نصرتك وجئتني بخذلانك، أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام، إنه قد انقطع الوحي وتم الدين، أو ينقص وأنا حي؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بحقها ومن حقها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والله لو خذلني الناس كلهم لجاهدتهم بنفسي. ها إيه عمر بن الخطاب رابورت aussi dans les annales de l'histoire qu'Omar ibn al-Khattab a dit à Abu Bakr Siddiq: ô khalif du prophète alayhi salam, sois doux avec les gens pour gagner leur cœur. Sois doux avec les gens pour gagner leur cœur. Et Abu Bakr Siddiq se tourne vers lui et dit: j'ai espéré que tu me fasses triompher, que tu sois de mon côté, que tu m'aides. Maintenant tu viens pour me laisser tomber ou là pour me faiblir? Tu étais tyran dans le jahiliya, c'est-à-dire avant l'islam, et maintenant tu faiblis dans l'islam. Hein? Ainsi il a répondu à Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala. Il lui a dit: la révélation est terminée. Et din a été complété. Et la religion est parachevée. Il ne va pas diminuer alors que je suis en vie. Il ne va pas diminuer alors que je suis en vie. Et il lui a dit: est-ce que le prophète alayhi salam n'a pas dit, sauf avec ses droits, c'est-à-dire les droits de la ilaha illallah, il lui a dit: il fait partie des droits de la ilaha illallah, accomplir la prière et s'acquitter de la zakat. Par Allah, même s'ils me laissent tous tomber, je vais les combattre tout seul. Je vais les combattre tout seul. Hein? C'est-à-dire combattre ceux qui ont apostasie, ceux qui ne veulent plus donner la zakat, etc. Ça, ce sont les positions de Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. ووضع الصديق رضي الله عنه الخطة لمحاربة المرتدين وانتصر عليهم ورد الأمور إلى نصابها وكان قوله وفعله هو الحق وأيده الله تبارك بالنصر المبين فرضي الله عنه وعن أصحابه الكرام ونشهد بأنهم قوم اختارهم الله لنصرة دينه ولصحبة نبيه وكان أفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه. إيه أبو بكر الصديق fait toute la stratégie pour cette guerre, pour combattre ceux qui ont apostasie. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait triompher et les situations sont revenues à leur place. Hein? Et les paroles d'Abu Bakr Siddiq et son acte étaient la vérité et étaient donc justes. Et tout ce qu'il avait vu était juste. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a accompli sur cette vérité et il l'a fait triompher et triompher sa religion et triompher le compagnon de Muhammad alayhi salatu salam. Hein? Et nous attestons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ces hommes pour faire triompher sa religion. Et pour accompagner son messager, alayhi salatu salam. Et le meilleur parmi eux étant Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Wa nutim bi mawa'idhihi, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Wa mawa'iduhu azimatun jiddan. Nous allons terminer ce dernier cours, cette série des cours de Abu Bakr Siddiq par les exhortes et les leçons qu'il a données à la communauté. Et ces exhortes sont énormes. Ils sont profondes. كان الصديق رضي الله عنه يجاهد بلسانه في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة كما جاهد بنفسه وماله وذلك لأنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جاهدوا المشركون بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ويقول صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه في الله في الله. Donc الصديق رضي الله تعالى عنه faisait un combat avec sa langue. Il faisait le combat sur le sentier d'Allah avec sa langue, avec sagesse et avec la bonne exhorte. Et il a fait aussi le combat avec son corps et avec sa fortune parce qu'il a entendu le prophète alayhi salam dire combattez les associateurs avec votre fortune, avec vos corps et avec vos langues. Et Rasoul, il a entendu aussi le prophète alayhi salam dire dans le hadith authentique, le combattant, c'est celui qui a fait des efforts sur lui-même pour Allah Azza wa Jal. ولذلك كان أبو بكر الصديق يعيد نفسه وغيره. C'est pour ça qu'Abu Bakr Siddiq se faisait des leçons à lui-même et aux autres. Il se faisait des leçons à lui-même. دخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على أبي بكر الصديق وهو آخذ بطرف لسانه. فقال عمر ما غفر الله لك. فقال أبو بكر هذا الذي أوردني الموارد. Et عمر بن الخطاب de rentrer chez Abu Bakr Siddiq رضي الله عليه, il l'a trouvé tenant sa langue du bout. Il lui a dit, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne, ya Abu Bakr. Omar ibn Khattab lui dit, c'est celui-là qui m'a amené vers dans des situations. Hein? C'est celui-là qui m'amène vers les situations. Hein? C'est celui-là qui me ramène. Hein? C'est-à-dire, hein? Qui parmi nous un jour s'est dit ça pour sa langue? Regardez comment ils étaient. On réfléchit. Est-ce qu'un jour, on s'est demandé ce que nous faisons avec notre langue, ou là, on s'est tourné pour voir que ce que notre langue, ce qu'on fait avec? Regardez cette position d'Abu Bakr Siddiq. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Hein? Mais regardez Abu Bakr Siddiq. Allez. قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى يا ليتني شجرة تعضت ثم تؤكل. يا أبو بكر الصديق alors qu'il est le véridique, الرسول lui a annoncé le paradis, lui il dit, oh si j'étais un arbre qui soit consommé, à dire consommé, on l'aurait utilisé en poutre là, hein, et serait mangé par les animaux, point final. Hein, regardez cette position. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبة الله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ولا يدعوا قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالفقر ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء والجهاد ليس هذا الجهاد الذي يدعو إليه التكفيريون وهم غارقون فيه مساعدات الكفار وأولادهم يدرسون بين أولاد الكفار ولكن الجهاد الشرعي بشروطه الشرعية ومع ولي الأمر وغير ذلك من الشروط لا التهور والتذمير والدمار والظلم والافتراءات. Et Abu Bakr Siddiq de dire un jour dans l'une de ses khutbah, faites vos comptes vous-même avant qu'on vous les fasse. Et tout peuple qui délaissera le combat sur le sentier d'Allah, Azzawajallah, subhanahu wa ta'ala, il va les appauvrir. Et chaque fois, et dans un peuple où apparaît la turpitude, hein, les boissons, le zina et autres, Allah, subhanahu wa ta'ala, va les couvrir d'épreuves. Hein. Mais le combat dont il s'agit ici, le jihad, ce n'est pas le combat que appelle Tkfiriyun ou les jihadistes à dessous. Hein. Ils sont dans Blad al-Kufr. Ils prennent les aides d'Yel Blad al-Kufr, ils ont l'asile dans ce Blad al-Kufr, et leurs enfants étudient dans les écoles de la mécréance, et après ils disent le jihad. Quel jihad? Hein? Mais le combat dont il s'agit, c'est le combat légiféré dans la législation de Allah, avec ses conditions, avec un khalifa, avec un drapeau, hein, noué par un khalifa, par un gouverneur, etc. Et non pas ces futilités à laquelle appellent ces jihadistes et ces tkfiri à dessous. وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون في أجل معلوم ولا خير في قول لا يراد به وجه الله ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله ولا خير في من يغلب جهله حلمه ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم. Et un jour il a dit رضي الله تعالى عنه, vous ne savez pas que chaque matin que vous allez et chaque soir vous allez vers un but bien précis, c'est chaque jour qui passe, c'est quelque chose, c'est un jour qui diminue de notre vie. Hein? C'est quelque chose qui part de l'âge qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a décrété à vivre. Chaque soirée, la même chose, chaque mois un instant. On va vers un but bien précis. Et il dit, il n'y a aucun bien dans une parole qui n'est pas dite pour Allah Azza wa Jal. Aucun bien, il n'y a dans une parole qui n'est pas dite pour Allah Azza wa Jal. Comme tu l'as dit, tu veux avec la récompense de Allah Azza wa Jal. Il n'y a aucun bien dans une fortune qui ne se dépense pas sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a aucun bien dans une personne dont son ignorance, hein, prend le dessus sur sa sagesse et sur sa science. Hein? Et il n'y a aucun bien dans un homme qui a peur de dire une bonne parole ou qui a peur de conseiller parce qu'il a peur des autres, il a peur de ce que vont dire les autres ou quoi que ce soit dans ce style. Hein? Il n'y a aucun bien en lui. Il n'y a aucun bien qui a peur des autres. Hein? وقال أبو بكر رضي الله عنه وجدنا الكرم في التقوى والغنى في اليقين والشرف في التواضع. يا أبو بكر de nous dire رضي الله تعالى, nous avons trouvé la noblesse dans le taqwa, dans le fait de préserver les droits d'Allah Azza wa Jal. Et nous avons trouvé la fortune et la richesse dans la certitude. Et nous avons trouvé l'honneur dans la modestie. كيف لا وربنا يقول إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. Ça ne peut pas être autrement, puisqu'il est dans le verset, et les meilleurs parmi vous, les plus nobles parmi vous, ce sont ceux qui préservent les droits d'Allah Azza wa Jal. Même leur leçon, le droit d'Allah Alim, ce n'est qu'une interprétation des paroles d'Allah Azza wa Jal et des enseignements de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. فَلَمَّا حَضَرَ أَبَا بَكْرِ الْمَوْتِ دَعَا عُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ يَا عُمَرْ واعلم ان الله ان لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل وعملا بالليل لا يقبله بالنهار وانه لا يقبل نافله حتى تؤدى الفريضه وانما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامه باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم وحق لميزان يوضع فيه الحق غدا ان يكون ثقيلا وإنما خفت موازين من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل في الدنيا وخفته عليهم وحق لميزان يوضع فيه الباطل غدا أن يكون خفيفا. Et voici une des exhortes et une des leçons qu'il nous donne alors qu'il est sur le lit de mort. Aba Bakr, au moment de la mort, il a appelé, il a demandé à Omar ibn al-Khattab, il lui a dit: préserve les droits d'Allah Azza wa Jal, ya Omar. Préserve les droits d'Allah Azza wa Jal. Et sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait obligatoire des actes dans la journée qu'il faut faire dans la journée et qu'il ne les accepterait pas fait le soir. Et il a fait qu'il y a des actes qui sont obligatoires le soir, qu'il faut faire les soirs. Il ne les acceptera que si tu les laisses jusqu'au lendemain matin. Hein? Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas une nafila, un surrogatoire, si on ne s'est pas acquitté d'une obligation. Et que la balance de ceux, le jour de la résurrection, la balance qui a été alourdie, pour ceux que, dont la balance a été lourde de bonnes œuvres, il a été alourdi parce que ils ont suivi la vérité dans ce bas monde. C'est pour ça que leurs actes ont eu du poids dans la balance. Et il a dit, et il s'y est, il est du devoir d'une balance dans laquelle on met la vérité, c'est-à-dire le jour de la résurrection, qu'il soit lourd avec cette vérité. Et il a dit, et la balance a été légère le jour de la résurrection pour ceux qui ont suivi le faux, le blâmable dans ce bas monde. C'est pour ça que leurs actes n'étaient pas nombreux, mais étaient légères dans la balance. C'est-à-dire leurs bonnes œuvres étaient légères dans la balance. Pourquoi ? Parce qu'ils ont suivi le faux, parce qu'ils ont suivi le blâmable, etc. Et il a dit, il s'y est à une balance dans laquelle on met le faux, qu'il soit légère. C'est tout à fait normal. C'est pas les hasanats qui vont prendre le dessus. Hein? Les hasanats vont être en bas, donc légères. Et sayyat en haut. Et c'est pas ça qui va faire gagner l'agrément d'Allah Azza wa Jal. C'est le contraire. ويقول رضي الله عنه وارضاه وان الله تعالى ذكر اهل الجنه فذكرهم باحسن اعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم فاذا ذكرتهم قلت اني اخاف الا الحق بهم. الله اكبر. وان الله تعالى ذكر اهل النار فذكرهم باسوا اعمالهم ورد عليهم احسنه فاذا ذكرتهم قلت اني لارجو الا اكون مع هؤلاء. فإذا كان أبو بكر الصديق يخاف هذا الخوف كيف يجب أن نكون نحن. الله il dit رضي الله تعالى عنه وارضاه. الله سبحانه وتعالى a cité, a parlé des gens du paradis, il les a cités avec leurs bonnes œuvres. Et là, il a mis de côté leurs سيئات, il les a pas pris en considération. Quand je me rappelle les gens du paradis, j'ai peur de ne pas leur arriver et d'être avec eux. C'est Abu Bakr Siddiq qui dit ça, alors que Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam lui a dit, tu fais partie des gens du paradis. Il dit, j'ai peur, quand je me rappelle les gens du paradis, j'ai peur de ne pas être avec eux. et de ne pas les rejoindre. Hein? Qu'est-ce que nous devons dire dans ces cas-là? Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi a parlé, nous a parlé des gens de l'enfer. Et quand je me rappelle, il les a cités avec leurs mauvaises œuvres. Il dit, radiyallahu ta'ala, comme je me rappelle de la situation des gens de l'enfer, j'espère ne pas être avec eux. Alors qu'il ne va pas être avec eux. Il va plutôt, il va être parmi les véridiques, aux hautes sphères du paradis, avec ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de ses bienfaits. Mais regardez la peur qu'il avait. Radwanullah alayh. فليكن العبد ليكون العبد راغبا راهبا لا يتمنى على الله ولا يقنط من رحمته عز وجل فإن أنت حفظت وصيتي فلا يكن غائب أحب إليك من الموت وهو آتيك وإن أنت ضيعت وصيتي فلا يكن غائب أبغض إليك من الموت ولست بمعجزه Il continue dans son conseil à Omar ibn Khattab, il dit qu'il faut que le serviteur espère en Allah Azzawajal et qu'il craint Allah Azzawajal. Que le serviteur craint Allah et espère la clémence d'Allah Azzawajal et craint le châtiment d'Allah Azzawajal. Et que la personne ne se vante pas, il dit j'ai fait des trucs, il ne se vante pas devant Allah Azzawajal, j'ai accompli des trucs, j'ai fait ceci, etc. Là, il faut qu'il ait peur et qu'il ait peur du châtiment d'Allah et qu'il espère la récompense d'Allah Azzawajal. Et que il ne désespère pas de la clémence d'Allah, Azza wa Jal. Il espère, il a peur, il ne désespère pas non plus. Et il lui a dit, si tu mémorises mon testament, c'est-à-dire si tu le mets en application, l'absent qui doit être le plus cher pour toi, c'est la mort, car il va arriver. L'absent qui doit être cher pour toi, c'est la mort. Car il va arriver, il va te prendre. Et si tu négliges, et tu ne mets pas en application mon testament, l'absent que tu dois le plus détester, c'est la mort, et tu ne vas pas l'empêcher de te prendre. Hein? Et tu ne vas pas l'empêcher de te prendre. Impossible. Ça, c'était Abu Bakr Siddiq, radiyallahu ta'ala, anhu wa arda. Fansallah, subhanahu wa ta'ala, an yaj'alana من أتباعهم رضوان الله عليهم فنسأل الله سبحانه وتعالى نفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم